Cette semaine, on parle de Canon, Sigma, Zeiss et de Star Wars épisode 7. Oui, oui, vous écoutez Objectif numérique, oui, quand même. Épisode 84. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette. Qui peut pas s'empêcher de faire des sons, salut. Et Christian Jarry. Moi non plus, ça a l'air. Messieurs, qu'avez-vous fait côté photo cette semaine? Parce qu'on ne dévoilera pas le punch tout de suite concernant Star Wars, bien sûr. On regarde ça en dernier. Voilà. Ou presque. Non, pas en dernier, mais ou presque. Ben, moi, du côté de ma famille, on m'a demandé, écoute François, j'aimerais ça que tu viennes prendre des photos de la famille pendant les fêtes de Noël. Alors, parfait, pas de problème. Je commence à préparer. Oh non, j'ai plus mon appareil 7D. Je l'ai prêté à quelqu'un. Oups. Qu'est-ce que je fais? Là, j'étais un petit peu en panique parce qu'on commence à être un peu tard. Ben, je parle à Stéphane, puis Stéphane, gracieusement, m'offre son Nexus de Sony que j'aime pas vraiment, mais que je sais qu'il est tellement mieux que le 7D pour faire des photos en termes de résultats. Pas d'opération, mais de résultats. Ouais, ouais, ouais. Puis je me dis, ben ça va être parfait, ça va vraiment faire des belles photos. J'ai besoin d'un appareil qui était quand même plus sensible que la 7D parce que je vais être à l'intérieur. Ouais. Puis je veux pas être ouvert à 2.8 parce que aussitôt que quelqu'un bouge un petit peu, il faut la refaire. Mm-hmm. Bon, c'est ça. Alors voilà, j'ai utilisé ton appareil que j'ai adoré. En fait, je me suis pas cassé le basic avec ça. Je me suis mis avec des modes manuels, évidemment, pour la température de couleur, pour la balance des blancs, pour l'ouverture, parce que j'ai une lumière qui était fixe, puis tout. Fait que ça a bien été un trépied. Fait que moi, mon cadre, je demandais aux gens, déplacez-vous un petit peu. C'est comme ça que je travaillais. C'était parfait. C'était la plus facile des façons parce que je passais un groupe de 5, de 6. Ouais, à chaque fois, il y avait comme... Ben, c'était un peu photo studio, dans le fond. Ah oui, oui. Un photomaton. Exactement. Oui, avec des idées de mise en scène. Il y avait des objets, des chapeaux, des boas que le monde se mettait autour. Fait que c'était parfait. Un des cadres, tu sais, la fameuse mode dont on tient un cadre. Ouais. Fait que tout ça, ça a fait des maudites belles photos avec un peu de retouches. C'était même des superbes photos. La famille, elle était vraiment contente. Fait que voilà. Merveilleux. Un peu grâce à toi, Stéphane. Ah, ben ça me fait plaisir. Il y a un petit peu de Sony là-dedans, comme on dit. Bon, comme bon, le dit bon. Dicton. C'est ça. Il y a un petit peu de Sony là-dedans. Christian, toi, de ton côté? C'était ma fête il n'y a pas longtemps. Puis, eh bien, bonne fête. Ben, merci. Un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Non, je te l'ai souhaité sur Facebook. Oui, oui, oui, je le sais. Puis on avait décidé, pour ma fête, d'aller passer du temps un peu en chalet dans le coin de Magog. Fait qu'on était proche du Mont Offord. On a passé une journée à faire de la raquette. Je dis entre guillemets parce que c'était tellement plat qu'ils nous ont juste passé des éperons et on est parti avec ça. C'était beaucoup moins de trouble, honnêtement. Puis j'en ai profité pour prendre un peu de photos pendant qu'on était dans la forêt. C'était très intéressant, c'était le fun. Ben, tu sais, veux pas. On s'est perdu. Ce qui est à dire qu'on avait le sentier, mais au lieu de prendre le sentier facile, on a pris l'intermédiaire avec toute la famille. Fait que disons que le petit dernier, lui, il l'a pas trouvé drôle là, parce que les pentes étaient très à pic. Même moi, je te dirais que je commençais à avoir un mal aux jambes là, quand on a commencé, quand on s'est rendu jusqu'en haut, mais okay. Ça faisait des méchantes belles photos, une belle vue d'ensemble, tout ça. J'en ai une doute pas si mal, parce que malheureusement, tout ce que j'avais, c'était mon iPhone. Ah bon, mais quand même, t'as fait de la photo, c'est exact, mon RX100 est resté sur ma table de chevet au chalet, parce que je l'avais emmené en plus. J'étais tellement pas content. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Quand même, t'avais un appareil photo. Oui, puis on va se le dire, c'est ça, ma blonde au début, je m'en suis rendu compte en partant, on n'était pas si loin que ça, puis j'ai dit, tu sais, la luminosité est bonne, tout le kit. Ça, les photos vont être très bonnes. Je suis pas inquiet. Même avec un appareil, un téléphone qui est moyen, quand tu as une grosse luminosité, tu fais des bonnes photos. C'est pas bien grave. C'est ça. Fait que... Tu pourras juste pas jouer sur la profondeur de champ. Non, c'est ça. Mais ben, quand même pour ce que je voulais faire, c'était pas vraiment important non plus. Fait que le résultat est pas si mal. Bon, parfait. Ben c'est ça, moi aussi, j'ai pris des photos de famille et compagnie durant le temps des fêtes, mais je me suis amusé avec mon fils et les Legos qu'il avait reçus à Noël. Il a reçu un ensemble Lego de Scooby-Doo, un ensemble Lego de Doctor Who. Puis on a fait des photos. Une fois qu'on a assemblé tous les kits Lego, tous les morceaux. Ben là, j'ai fait des photos des Lego, puis je me suis amusé même sur mon balcon à l'arrière, il y avait de la neige, puis là j'ai mis vu, oui. Le TARDIS de Doctor Who avec les Daleks en haut d'une petite butte de neige, puis le docteur qui a l'air tout paniqué. T'as eu trop de fun, là. J'ai vu cette photo-là avant de la faire, c'est rare que ça m'arrive. Honnêtement, pas en arrivant sur place, dire, ben là, OK, il y a une petite butte, je vais faire ça. Je l'ai vu, puis je me suis dit, je vais trouver une petite butte, puis je vais faire ça comme ça. Puis bon, c'est pas une photo extraordinaire, non, mais c'est le fun. Elle atteint son objectif, là. T'as fait une recherche de location. Là. Oui, oui. Ah, j'ai ouvert, la porte à l'arrière de la maison, puis voilà, j'ai cherché la bonne butte. C'est parfait. C'est bon. Fait que c'est ça. Je vais mettre un lien vers... mon album Flickr, ben en fait, un album, je pense que j'ai 5 ou 6 photos. Mais je commence à faire un petit album pour les photos que... Les photos de Lego. Oui. Ben, j'en ai pas beaucoup, mais je m'amuse, puis je veux me motiver à en faire plus, tout simplement. Fait que va falloir que j'achète des Lego à mon fils. Non, c'est pas vrai. Ah, je sais, j'en ai acheté quelques-uns à Noël, ouais. Très beau, et c'est sa fête dans ben, pas long, c'est plat. Ben, c'est drôle parce que mon gars, il est rendu à faire. Ben, le pire, c'est que je risque de le faire, moi, avec, parce que il est rendu, il s'amuse, il est placé tout beau, tout propre, tout bien placé. Puis il commence à en avoir pas mal des Lego Star Wars du nouveau, justement. Ouais, fait okay. Là, il trippe. Je pense que je vais lui faire plaisir. Je vais y en prendre une couple de photos. Il va être heureux. Puis ça va me faire de la photo en plus. Moi, il voulait la caserne des Ghostbusters. T'étais d'accord jusqu'au temps que tu as vu le prix? Oui, hein, exactement. Ça? Ah, oui, oui. 400$. Ah, 400 ben, voyons donc. Oui, c'est pas même US? Non, c'est 350 US. Okay, ouais. Ça fait 400 quelques Canadiens. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas acheté des Lego. Ah, non, mais c'est des kits exceptionnels. Oui, oh, puis tu n'as pas une idée de la grosseur. Là. C'est énorme. C'est gigantesque. Okay. Mais 400$. Mais là, 4000 pièces, je pense, quelque chose dans ce style-là. Ouais, au moins 4000. Puis 4600 pièces, ouais. Puis non, mais c'est ça, on a regardé finalement une espèce de vidéo YouTube où le type assemble la maison. Il y a un genre de time-lapse ou je sais pas trop. Puis là, ben, il montre le résultat final quand il ouvre la caserne, tout ça. Fait que mon fils a dû se contenter de ça pour le moment et de s'en construire une dans Minecraft. Parce que mine de rien, c'est un grand amateur de Minecraft. Il a même pas 7 ans encore, mais il s'amuse beaucoup dans Minecraft. Ouais, ouais. Bon, trêve de discussion de Lego. Le but, en fait, c'est de trouver toutes les raisons possibles, toutes les raisons valables de faire de la photo. Hein. Fait que les Lego vous amènent à faire de la photo, tant mieux. Et d'ailleurs, je vous annonce officiellement que cette année, c'est sûr que j'achète un objectif macro. Pour mon A7. C'est un choc. Vraiment, oui, parce que l'année dernière. Tu es assuré qu'on t'achale pas, finalement, qu'on taquine pas. Uh-huh. C'est ça. Mais l'année dernière, j'ai rien acheté, je vous ferai remarquer. Oh, ouais. Il me semble, en tout cas. Je sais plus. Côté mais, objectif, ouais. Il me semble qu'il y en a. Pas d'appareil, en tout cas. Ton, le gros, là, tu n'as pas acheté. Le 70-200, non, ça fait plus longtemps. J'avais photographié Lady Gaga en 2014, il me semble. Okay. Je venais de l'acheter. Non, je l'avais essayé même, puis je l'ai acheté après. Ah, peut-être. Oui, je pense. Peut-être début 2015. Oui. C'est pas grave. C'est l'année passée. Un seul objectif. Seigneur. C'est pas si mal. Non, mais là, après ça, ça prend du temps à ramasser son argent. Mais c'est ça, je vais faire plus de photos macro. Donc, qu'est-ce qui est parfait pour de la photo macro? Des Lego. Oui. Clairement. Ah, mais c'est cool, ça. Je vais m'amuser. Puis toi, déjà, tu as une certaine expérience en macro. Là. Ça va pas je pensais que tu allais dire en Lego. Non. Ça aussi. Oui, dans les deux. Moi, je regarde par la bouche, il y en a plein. Oui. Un peu trop, mais c'est pas grave. Ah, moi, j'ai la Ecto One, la voiture des Ghostbusters, mais je ne l'ai pas assemblée encore. Elle est très belle. Oui, ben, je le sais. Je l'ai déjà vue assemblée chez quelqu'un d'autre, mais c'est Caroline Cloutier qui est déjà venue à l'émission. Elle l'avait achetée aussi à la sortie. Mais moi, j'ai dit, je la laisse dans la boîte. Parce que je voulais pas perdre de pièces. Et c'est ça. L'ensemble de Doctor Who, j'ai peur de perdre des pièces. Là. Il y a beaucoup de petits morceaux. Ouais. Et c'est ça. Donc, je vais pouvoir assembler la voiture de Ghostbusters au grand plaisir de mon fils qui me demande depuis un an facilement. Ça doit faire ça un an facile que j'ai. Oui, plus que ça. Et il y a hâte, vraiment. On passe au bloc nouvelles, parce que là, on a parlé de Lego plus longtemps qu'on a parlé de photos. Ah, c'est pas ça, un photos. Podcast, ce non, c'est ça, un podcast Lego. Et bon, ben c'est ça. Côté nouvelles, Christian, t'as quoi, toi, de ton côté? Tu nous parles de Canon? Ouais, paraît-il qu'elle était très attendue, celle-là. Mm-hmm. la 1DX Mark II. Oui. Finalement sortie. Ben, en fait, non. Annoncée, je devrais plutôt dire. On nous avait annoncé une bête. C'est pas loin de la vérité. Disons que c'est impressionnant. Comme machine, là, c'est quelque chose. Bon, on va dire les choses entre... C'est plein capteur, encore une fois, bien entendu. C'est clair. 20.2 mégapixels, ça n'a pas l'air super impressionnant, mais c'est quand on voit le reste, c'est là qu'on commence à comprendre un peu plus l'intérêt. ISO de 100 à 51200, extensible jusqu'à 409600. OK. C'est très bien, mais Nikon fait plus que ça, si ma mémoire est bonne. C'est 409600, pas mal le plus haut à date. Là. Il me semble que j'avais vu plus. En tout cas, c'est pas plus grave qu'il faut, anyways. On a, bon, encore autofocus à 61 points, 41 points de crosstie. Bon, ça c'est bien. Tu sais, c'est... Ce qui commence à être intéressant, c'est 16 images par seconde. OK. Ça commence à être rapide. En disons. Mode live view, ouais. Mm-hmm. OK. 16 images par seconde ou 14 en ordinaire. Tu sais. Oh, quelle déception. C'est un peu déception, là, mais... Ah! Ouais, c'est ça. Okay. On parle d'un appareil qui est prêt à recevoir... je veux dire, la vie maximale de 400 000 clics. Déclenchement. Oui, ça commence à être énorme. 400 000. 400 000, j'avais jamais vu ça. Et le gros intérêt, 4K à 60 frames par seconde. Ça, c'est bien. Wow, il y a un bon processeur là-dedans. C'est un appareil photo. Là, un appareil photo, c'est quelque chose. C'est, sa première, c'est vraiment son premier, sa première utilisation. C'est ça. Là. C'est pas une caméra faite pour faire de la vidéo. Là, on le voit. Là. Oh, c'est vraiment un body ordinaire. Exact. Ouais. Wow! OK, c'est bien. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont rajouté l'optimisation d'image. Oui, mais moi, je viens de voir quelque chose d'intéressant vas-y, pour vas-y. Un appareil professionnel, haut de gamme, top of the line, là, pour en bon québécois. Oui. Un écran 3,2 pouces de 1,6 million de points. Oh. Tactile! Ah ouais, j'avais même pas remarqué qu'il était tactile. Hey, écoute, c'est rare ça. Oui, c'est très rare. Ça, c'est le plus gros appareil que Canon fait pas, puis ils ont mis un écran tactile. Mm-hmm. Enfin. C'est tout dire, là. Ouais. Ouais, ouais. Bon, je te laisse continuer. Ouais, ouais, ouais. Mais, non, mais c'est un bon point parce que tu vois, ça, c'était même pas je l'ai même pas vu dans ce. Ouais, ça te tente plus, là. Tu vas débloquer un budget pour ça. Mais je vais revenir à ça plus tard, mais il y a quelque chose de surprenant même de ce côté-là. Mm-hmm. Donc, c'est ça, il y a une optimisation de l'image. Supposément qu'ils se rendent compte eux-mêmes de ce que fait la déformation des objectifs et est capable de le corriger à même l'appareil. OK. Okay. C'est intéressant. Je veux dire, c'est quelque chose, ça, avec. Là. Ah oui, je viens de voir le touchscreen. Là. C'est juste que moi, je l'ai manqué. Mais je trouve, en tout cas, comme appareil, c'est quelque chose. C'est sûr que c'est... Le flagship, là, l'appareil fort, mais malgré tout, on voit que cette fois-là, Canon a décidé d'y aller complètement, là, all-in, comme on dit au poker. Le côté que je trouvais particulier ou intéressant, c'est que il est moins cher que le 1DX à sa sortie. Le 1DX était 6 500 $ à sa sortie et il est 6 000. On s'entend que c'est beaucoup d'argent. Oui. Mais on aurait eu tendance à penser qu'il aurait été au moins aussi cher ou peut-être même plus. Mm-hmm. Non, le prix a descendu. Eh ben. Ça, c'est un point qui m'a surpris. Oui, vraiment. Bon, c'est sûr qu'en canadien, on parle de 10 000 $ probablement. C'est ce que j'allais dire, on n'en parlera pas de ça. Ouais. Ça, c'est pas important. Mais tu sais, on fait des blagues là-dessus, c'est sûr que ça va être beaucoup plus élevé, mais faut pas penser que c'est pas le dollar exact, là. Tu sais, c'est pas... la courbe est pas exactement la même pour des appareils de ces prix-là ou des affaires de même. Mais c'est clair que ça va être plus proche du 8 000 que du 6 000. Mm-hmm. Mais disons que je dirais pas non à essayer ça. Alors évidemment, je l'ai pas mentionné, mais il y a aussi deux cartes... compact flash dedans, là, mais bon, ça c'est la norme là, pour ce genre d'appareil-là. Là. Mais en tout cas, je sais pas pour vous autres, là, mais j'irai pas ça mettre la main dessus. Disons, essayer de tester un peu. C'est un bel appareil. C'est un bel appareil. Ouais, ouais. On va voir ce qu'on peut faire, mais. Anyways, de toute façon. Retenez pas votre souffle. Non, je sais bien, mais anyways, c'est pas avant avril 2016, puis avant que ça fasse le tour des grandes. Publication puis tout, même si tu réussissais à l'avoir, ce serait probablement pas avant septembre, octobre. Ouais, c'est ça, la fin d'été, début de l'automne et encore, on verra. Mais c'est pas impossible. Non, mais... c'est ça. Mais c'est quand même intéressant parce que, tu vois, pendant que tu parlais, je regarde pour le plaisir là, un Canon 1DX usagé à vendre. Là. Disons, tu vas avoir la valeur de ton appareil. Ouais. C'est autour de 4 000 $. Donc, ça peut être intéressant de faire le switch, là, tu sais, pour... Oui. Passer au nouveau modèle. C'est quand même une bonne valeur de revente. Ouais. Tu vois, je vois 5200. En moyenne, c'est autour de entre 4500 et 5000. Fait que c'est bon. Moi, je pense que ça, je serais tenté de faire le switch à ce moment-là. Parfait. François, justement, toi, tu vas nous parler de quoi, là? De Zeiss, Ouais. Hey, Zeiss. Ça, moi, quand j'entends ce mot-là, je fais comme « Ah, oh, j'ai de la salive qui se met. » Des beaux petits objectifs. Je me mets à sécréter de la salive, là, parce que ces objectifs-là sont vraiment superbes. Ben, petite parenthèse, là, parce que j'en utilise un, mon 55mm 1.8 sur mon Sony A7, c'est un Zeiss. Mm-hmm. Et j'ai tellement de plaisir à l'utiliser, là. J'en reparlerai dans la... Au prochain épisode, probablement, là, mais je suis allé... Optique ou complètement Zeiss? Parce que tu peux avoir un objectif Zeiss à 100% ou les lentilles. Ouais, l'optique seule. C'est peut-être juste l'optique, ouais. Parce que mais c'est quand ça. Même. Oui, quand même. Écoute, si t'as l'optique... J'adore la qualité que ça me donne. Là. C'est vraiment... Bon, on s'entend. Même mes lunettes, mes verres sont avec des verres Zeiss maintenant. Okay, je suis vendu à Zeiss. Non, c'est pas vrai, mais ça a donné comme ça parce que... Et ben regarde, en optométrie, ça a donné peut-être comme ça, mais j'avais eu des verres Nikon, puis j'ai eu des problèmes avec. Puis là, ben, j'ai opté pour du Zeiss, parce que bon, c'est ce que la dame m'a recommandé. Mm-hmm. Puis elle m'a dit, je ne jure que par Zeiss, côté qualité, anti-égratignure ou problème quelconque ou quoi que ce soit. Puis ben c'est ce que j'ai maintenant même pour voir dans la vie de tous les jours. Ah ben c'est bon. Alors Zeiss, qu'on reconnaît comme une compagnie qui fait des optiques de très haute précision, ben ils ont décidé de se lancer dans le marché des objectifs d'appoint pour les téléphones intelligents. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un marché qui n'existe pas dans le haut de gamme. Mm. Il y a des très basses gammes, puis il y a des moyennes gammes, mais il n'y a pas de haut de gamme. Il n'y a pas rien qui peut dire, OK, on va être capable d'aller comparer avec des appareils standards, des objectifs standards. Bon, la comparaison, est-ce qu'elle est là? Pas assez, parce que là, c'est en fait, la qualité de l'optique, elle est là, mais on voit toute une différence avec les profondeurs de champ, des trucs comme ça. Non, c'est parce que le problème, c'est que ton capteur est toujours pas très exactement. Bon. Exactement. Ouais. Mais si on se fie pas à ça, un jour, ça va sûrement... Oui, ça c'est clair. Ça va changer éventuellement. Mais côté optique, j'ai regardé des photos, puis la qualité, le piqué, c'est vraiment, c'est très très bien. C'est pas donné. Mais pour quelqu'un qui fait de la photo... Comment un hobby sérieux avec son appareil intelligent. Ou qui oublie souvent son Sony RX100 sur sa table de nuit. Oui, ce genre de personne-là. C'est... Beau segway, belle en vrai, oui. C'est intéressant parce que, tu sais, je pense à Maxime Soriol, par exemple. Oui. Il fait de la photo pratiquement tous les jours. Lui, je le verrais avec ça parce qu'il est vraiment passionné de la photo. Ça pourrait être un bonus intéressant pour lui, oui, bon, définitivement. Il s'est équipé, je pense, avec un appareil de photo. Là, c'est plus avec son téléphone la plupart du temps. Je crois qu'il utilise un appareil. Mais... C'est le type de personne à utiliser ça, ceux qui trippent à faire de la photo avec leur appareil intelligent. Ah, il y a un marché, il y a un intérêt, c'est clair. Moi, c'est juste le capteur qui me... Oui, ben ça. C'est de la physique. Hein? Le seul problème, la seule façon qu'on va y remédier, c'est avec un logiciel, tu sais, avec une espèce de petite routine dans le téléphone qui va créer un flou artificiellement. Mais c'est pas juste une question de flou, il y a aussi le fait que tu perds du détail quand même, je veux pas. Là. Je veux dire, si pour regarder une photo sur ton écran d'ordinateur, c'est parfaitement correct. Si moindrement tu grossis ça, c'est là que tu vas voir que c'est pas aussi riche, c'est pas aussi... Ben, c'est, c'est là que t'en perds. C'est sûr que là, bon... Je regarde, tu sais, mettons, comme les plus récents téléphones, il y a quand même des avancées assez phénoménales, là. Mais, tu sais, tu te poses toujours la question, là. Tu sais, tu regardes une photo, mettons, du Samsung S6 ou, ben non, du iPhone 6S, puis tu te dis, ben, OK, la photo que tu me présentes est super impressionnante, mais qu'est-ce qui a été retouché? Mm. Tu sais, c'est toujours cette question-là qui te revient. Fait que si vraiment le capteur est capable de me donner ça, ben là, ton objectif que tu me dis, Zeiss, là, je le vois l'intérêt. Mm-hmm. Bon, je sais pas. Regarde, on verra. Mais c'est clair que comme tu as raison là-dessus, ben, ça va s'améliorer. En fait, ça, la différence avec les autres objectifs qui existent, qu'on peut acheter à notre téléphone intelligent, c'est la distorsion. La qualité Zeiss va annuler ou, enfin, presque annuler. Quand on va tomber à moindrir en macro, au minimum. Oui, là. En macro, on va tomber avec une meilleure qualité aussi, probablement. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, bon, il y a le grand angle, il y a le macro et la téléphoto. Je pense qu'il y a aussi un autre objectif dernièrement qu'ils ont rajouté. En fait, si on parle de prix, le grand angle puis le macro, c'est 300$. La téléphoto, c'est 200$. C'est... Oui, mais si on compare aux trois petits objectifs Photo Jojo que j'avais acheté pour mon iPhone là, à 20$ chaque, il doit y avoir une bonne différence de qualité. C'est clair. Si ce n'est que dans un détail peu négligeable qui s'appelle l'assemblage. Ouais. Parce qu'on va se le dire, c'est souvent aussi l'autre problème de ces petits objectifs-là, c'est que tu utilises ça pas longtemps, puis ça se déglingue, ça se défait, ça se... Mais là, on n'a pas non seulement l'assemblage, mais la qualité du verre, le polissage et tout ça, parce que moi, on s'entend que ça devait être des trucs en plastique. Là. C'est fait pour s'amuser, mais quelqu'un peut commencer avec des petits objectifs Photo Jojo à 20$, voir si ça l'intéresse, puis après se dire, ben moi, ça me convient, un genre d'équipement comme ça, macro, large, puis très grand angle, puis photo lens. Puis, tu n'es pas obligé de t'équiper avec un appareil standard, que je disais. Ben non, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tu investis dans, dans quelques... Ça reste beaucoup plus discret. T'sais, on en a souvent parlé dans le passé qu'un petit appareil discret, tu peux faire bien des affaires avec. Puis, je m'imagine très bien, tu te mets juste l'objectif dans ta main, tu tiens ton téléphone, tu passes inaperçu, ça rue complètement là, avec ça. Ça, c'est ce côté-là, il est très gagnant. C'est là. Ça. Ben, ça dépend. Le téléobjectif est combien de millimètres? Ça donne combien à peu près? Faudrait vérifier. Je t'ai coincé. T'es pas correct, Stéphane. Regardez pendant qu'il parle. C'est toi que j'aurais dû coincer, Christian. Pendant que Christian pianote un peu, je vais vous annoncer que quand même, ça fonctionne pour l'iPhone 6 et c'est variable. Malheureusement, pas pour les autres marques de téléphone pour l'instant. Donc, le 6 Plus, le 6S et le 6 Plus. Oui. Pour l'instant, c'est seulement sur ces appareils. Ben, bon, il y a pas mal, il y a beaucoup de gens qui ont ces téléphones-là quand même. Puis, il faut dire aussi que, étant donné qu'il y a un certain... ça prend une certaine qualité aussi d'optique, là, tu sais, déjà dans le téléphone. Fait que c'est bien qu'il n'ait pas adapté ça à n'importe quoi parce que tu vas avoir un résultat. Oui, si tu mets un objectif de 300$ sur ton téléphone puis que le capteur ou même l'objectif de base du téléphone ne sont pas à la hauteur, ben c'est un peu frustrant. Exactement. Ouais. Alors voilà, je vous souhaite, ceux qui ont peut-être le hobby facile avec votre smartphone, allez-y. Ça, si vous avez 90 les moyens. 90 000 mètres, je viens de trouver. Ah, ben c'est bon. Ça fait du beau portrait. Oui, quand même. Oui, parce qu'on s'entend que d'habitude, les appareils photo dans un téléphone, c'est 20-quelques millimètres, 30 millimètres. Mais on passe à 90, c'est quand même intéressant. Oui, en qualité, il faut le dire. Oui, oui. Ouais. Ben, en tout cas, selon... selon ce qu'on a vu, selon ce qu'on a vu. Parfait. Ben, disons que leur réputation est là aussi. Puis moi, de mon côté, je vous parle de Sigma. Sigma qui vient de lancer son filtre le plus résistant, un filtre de céramique. Qui est en précommande sur tous les grands sites, là, Amazon, Adorama, B&H et compagnie. Mais s'il est en céramique, est-tu transparent? Oui. Ah, OK. C'est un filtre de 77 mm qui permet de protéger, évidemment. Ça résiste aux égratignures, ça résiste à l'eau. Ben, ils disent en anglais « water repellent », donc ça repousse les gouttelettes d'eau qui ne vont pas rester fixées nécessairement sur la lentille. Il y a un revêtement antistatique qui aide à éviter d'attirer la poussière. Donc, c'est intéressant aussi. Ah, oui, c'est très bien. Moins de poussière sur le filtre. Et d'ailleurs, le fameux revêtement qui repousse l'eau aide aussi à enlever facilement les empreintes digitales. Donc, les traces de doigts. OK, pour quand on va l'essuyer. Quand on va l'essuyer. Okay. Ou quand, si on y touche par inadvertance, ben, l'empreinte va s'enlever plus facilement. Disons, ça se nettoie plus facilement. Apparemment, qu'il serait 10 fois plus solide que des filtres conventionnels. Donc, on parle de 118$ pour un filtre de 77 mm. Et ben, c'est pas cher. On parle pas d'un filtre polarisant, là. On parle d'un filtre neutre. De très bonne qualité, c'est pas... C'est à peu près le double. Ouais, le double d'un filtre de bonne qualité habituelle. C'est ça, j'allais dire 50$, 60$ peut-être maximum. Je sais pas, ça doit pas être les mêmes prix que moi j'ai vu, parce que je me rappelle il y a quelques temps, moi j'avais pris pas tout à fait le bas de gamme, puis il m'avait coûté 50$ parce que celui d'au-dessus était 90. Oh, OK. Ben à ce moment-là. Mais 118 US, on parle de 150 à peu près. Là. 160. Ouais. Fait que ça fait. On n'est pas loin du double, en tout cas. Ouais, là, 150, c'est vrai que. Faut toujours penser. Juste, tout le temps. Hein. Enfin. On se fait souvent surprendre. Mais c'est ça, précommande depuis le 24 janvier. Donc, ça fait 3 semaines au moment de publier cet épisode. C'est tout récent. Peut-être qu'il va être déjà en précommande sur d'autres sites ou en commande directement. À ce moment-ci, c'est difficile de dire parce qu'il n'y a pas de date de livraison d'indiquer sur le site que j'ai visité. Donc, mais on peut au moins le précommander. Voilà. Anti-égratigneur aussi. Oui, c'est ça, qui résiste aux égratigneurs. Ouais, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on va passer au topo. Christian, de quoi nous parles-tu? Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Star Wars. Ah, parfait. Bon. On n'a pas de musique en arrière-plan. Non, malheureusement, on veut pas. Oui, c'est ça, on veut pas se faire couper. Je l'entends. Ah, je pense qu'on l'entend tous. Tu n'as pas besoin de le. je fais une petite confession en partant. Je suis probablement la personne que vous connaissez la plus geek de Star Wars. Sérieusement, là, c'est quelque chose. Là. Ben, je regrette, je connais Sébastien Minot, mais à part lui, okay, peut-être que je vais juste te poser la question suivante, s'il arrive à répondre à ça. Est-ce qu'il est capable de te nommer au moins 5 personnes qui est dans la cantine avec leur nom? Ah, oh, je suis sûr que oui. En tout cas. Puis il a peut-être serré la main à un d'entre eux. Oui, c'est ça. Mais bref, ça pour dire que à un certain moment donné, je connaissais, sans blague, tous les personnages, tous les noms des. Là, c'est l'âge. Mais je ne savais pas ça de toi. Ben, écoute, pas à ce point. Ah oui, ça n'a aucun sens. Christian, pour ton bien, tu devrais gêner avec toi. Oui, c'est ce que je veux. Pour ton image, là, ça. Ça ne me dérange pas en tout. Je m'assume pleinement. Je m'assume pleinement. Bref, tout ça pour dire que je me promenais sur Internet récemment, puis j'ai vu un article que j'ai trouvé totalement craquant et très drôle, qui était 6 façons que vous pouvez apprendre du nouveau film de Star Wars pour faire de vous un meilleur photographe. Puis en lisant l'article, savez-vous quoi? C'est vrai. C'est super intéressant parce que c'est, tu sais, on parle souvent des points de vue qu'on entend et qu'on voit, mais celui-là, il apporte une couple d'affaires intéressantes que j'avais pas vues si fréquemment que ça. OK. Je vous rassure immédiatement, je rappelle, je ne fais pas de spoiler, divulgateur, quel qu'il soit. Mm-hmm. Tout ce que vous avez vu, si vous avez vu une bande-annonce, vous êtes capable de vous imaginer tout ce qu'on voit, de ce qu'on va parler. Il n'y a pas rien de bien grave là-dedans. Premièrement, on peut prendre un vieux concept, puis on peut le rendre nouveau en changeant la perspective. OK. Tu sais, je veux dire, les photos qu'on a vues, puis qu'on a faites de la photo de la Tour Eiffel, comme il y a dessus, c'est clair que même si on a vu les mêmes. Si t'arrives à trouver une autre perspective, si t'arrivais à être par-dessus ou plus haut, il y a quoi à faire? Ou à photographier un avion au moment où il passe exactement. Oui. Bonne chance avec celle-là, par exemple. Mais bon, oui. Mais tu sais, ce qu'il expliquait dans le fond, c'est que, bon, certaines personnes disent qu'il y a beaucoup de similarités avec d'autres films de Star Wars puis des choses, mais malgré les similarités, ça reste quand même que c'est une nouvelle chose. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est toujours de ce point de vue-là. C'est, prenez une image que vous connaissez, quelque chose que vous connaissez, puis essayez de changer un peu le focus, peut-être pas le mettre à la même place, des affaires comme ça. Ça peut être intéressant, pareil. Puis ça peut être même un projet intéressant où ce qu'on prend un élément qui est similaire dans chacun des éléments, mais on essaie de changer le focus, de changer la perspective. Encore une fois, toutes des choses comme ça, ça peut faire un projet photo intéressant. Photographier un truc sous un angle différent. Exactement. Ça, j'ai pas vu ça souvent, mais ça peut être très vrai parce que c'est quelque chose qui m'a marqué en regardant le film. La couleur peut aider beaucoup à... Améliorer le... ce que vous essayez de montrer, le storytelling, l'imagerie, l'histoire que vous essayez de conter. Il y a quelque chose que dans le film, ils font que j'avais qui n'était pas présent dans les autres Star Wars, mais il y a une scène en particulier qui est vraiment belle. Encore là, ce point de vue le gâcheur, c'est pas grave, mais c'est il y a deux personnages qui sont ils ont chacun leur lightsaber, leur sabre laser, puis ils sont en croix, puis il y en a un qu'il y a le rouge reflété sur le visage et l'autre, le bleu, est reflété sur le visage. Fait que là, c'est la dualité, le rouge, le bleu, le gentil, le méchant, tout ça. Puis, soit dit en passant, il n'y a jamais eu aucun reflet de lumière d'épée laser auparavant. Il a décidé de mettre ça dans lui. C'est un choix excellent, je trouve. Ça rajoute beaucoup, beaucoup au film. Oui, ben il avait décidé de laisser tomber les lens flares, donc il est passé. Oui, il a fallu qu'il trouve d'autres choses. Exactement. Mais... sais, c'est quelque chose qui est intéressant. La couleur, c'est quelque chose qu'on ne joue pas nécessairement assez avec non mm-hmm. plus. Ça peut être aussi la couleur avec la lumière ou des choses comme ça. Tu sais, prenez une lumière puis mettez un... Comment ils appellent ça? Un gel correcteur. Exactement. Mm-hmm. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant ouais. à faire à une scène pour donner une dimension complètement différente à cette scène-là. Ton image, elle peut être augmentée en rajoutant des éléments à ton histoire à différentes dimensions. Ça a l'air complexe quand on dit ça comme ça. Mais ce qui peut être le fun, c'est même si vous avez un sujet en avant-plan, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de l'action ou d'autres choses en arrière-plan qui bougent ou qui ont un intérêt. Ça peut être le fun d'avoir plus qu'une dimension, plus qu'une chose. T'sais. Je sais pas, moi, vous avez des enfants qui jouent en avant, vous avez en arrière d'autres enfants, mais qui font d'autres choses. T'sais. Plusieurs plans, plusieurs perspectives, encore une fois, différentes, mais dans le même plan. Ça m'est arrivé une fois par hasard. Je photographiais mon fils, qui avait peut-être 2 ans, 2 ans et demi à ce moment-là. Puis, à l'arrière, il y avait un petit cousin qui jouait au soccer avec un ballon. Au football. Ah oui. Puis, j'ai photographié mon fils, mais on voit l'autre qui joue avec un ballon à l'arrière, qui est flou ouais. un peu. Puis, ouais, ça aussi, ça peut être ça marche. Puis, un avion dans le ciel. Un avion dans le ciel. Vraiment, ça fait ça de l'avion dans le ciel, hein, définitivement. <là. rire> Mais oui, l'avion dans le ciel. Mais tu dis ça, mais oui, ça peut fonctionner pour de vrai. Je veux dire, tu sais, tu t'imagines, justement, un petit garçon qui joue au soccer en avant, puis t'as une formation d'avion qui passe au-dessus en arrière, ben ça fait une dimension complètement différente parce que t'as deux choses qui sont pas nécessairement reliées, mm-hmm. mais ça donne du mouvement, ça donne plein de choses intéressantes. Fait que ça avec, ça peut être quelque chose de le fun. Ouais. Perspective est utilisée pour donner une grandeur épique à une image. Ça, c'est vraiment essayer d'utiliser la scène qu'on voit là, dans le preview, là, dans le trailer. Puis c'est, on voit le Star Destroyer qui est tombé sur la planète. Puis ça donne une idée. Tu sais, trouver quelque chose de très gros. Mais des fois, ça peut être intéressant de se reculer pour le voir encore. Tu sais, dans toute sa splendeur, sa grosseur. Mm-hmm. Je me rappelle être mon voyage en Gaspésie, une des places qu'on est allé, on a fait le tour d'un sous-marin à l'intérieur. Puis une des vues qui m'a frustré le plus, que j'ai pas eu le temps, bon, tu sais, avec la famille et tout, c'est que je voulais complètement me reculer pour prendre une grosse photo vraiment au loin pour qu'on puisse vraiment bien voir quelle grosseur ça a, ce sous-marin-là. Ouais. Parce que là, on voit de plus loin, sur la route, je l'ai vu un petit peu, puis on voyait les automobiles avec le sous-marin à côté, puis là, ça disait « waouh ». Là, tu vois la grosseur d'un sous-marin, qu'est-ce que c'est. Mm-hmm. Mais ça, avec, ça peut être intéressant de voir vraiment une bonne idée de qu'est-ce qu'une grosseur d'une chose versus une autre peut donner. Ce que vous montrez pas peut être aussi important que ce que vous montrez. Mm-hmm. Pas évident à faire, par exemple, particulièrement en photographie. Ça veut pas dire que, tu sais, on peut laisser quelqu'un... ce que tu disais tantôt est un bon exemple. Un flou ou des affaires comme ça, même si tu ne réussis pas à reconnaître la personne, tu ne réussis pas à le voir, ça peut être aussi intéressant. C'est pas grave. On a tendance à vouloir effacer les flous parce que, bon, tu sais, on voit pas les traits, les affaires. Mais des fois, ça peut être quelque chose de gagnant, justement. Tu sais, je sais pas, moi, si tu essayais... Je donne un exemple. Tu prends une photo d'une foule, puis il y a une personne qui part puis qui s'envoie un flou comme ça, ça peut être quelque chose qui donne un élément mystérieux ou quelque chose comme ça, tu le sais pas, tu sais quoi, tu le vois pas, ça peut être quelque chose à faire. C'est des idées, là, on donne, c'est pour changer d'autres idées qu'on voit. Ça, celle-là, c'est très dommage que George ne l'ait pas lu avant, parce que ça aurait été, probablement qu'épisode 1, 2, 3 aurait été bien meilleur. Mais les effets pratiques, ça aide au réalisme. Je vous apprends rien en vous disant qu'un des gros problèmes d'épisode 1 des 3, c'est qu'ils étaient tous devant des moses d'écran vert, puis il n'y avait rien avec eux. C'était que des effets spéciaux. Que des effets spéciaux. Si vous voulez faire quelque chose un peu plus ludique, que ce soit médiéval, que ce soit fantaisiste, j'en ai vu, moi, du cosplay qui ont fait des costumadiers. Oui, ou costumédien, ça dépend du rôle. Ouais, mais costumadier, oui. C'est bon. Ça me fait plaisir encore une fois de les dire. Ça, c'est particulièrement laid, mais en tout cas. Il y en a que j'ai vu qui étaient super intéressants. Il y en a une qui avait réussi à faire, comment elle s'appelait dans Metroid, Samus Aran, qui était vraiment très bien fait, mais tout l'alentour était à l'ordinateur. Fait que le costume était super beau, mais l'arrière... Le contraste était trop gros. Tandis qu'une autre, elle avait réussi à trouver une place un peu comme la photo que tu as prise. Je pense que c'était à San Francisco, l'espèce d'endroit vraiment particulier que tu as réussi à prendre, qui avait l'air quasiment d'un un bureau de la Dead Star ou une affaire comme ça. Là, je sais pas. Ah oui, mais ça, c'était le lounge en haut de l'hôtel au 20-quelque ou 30-quelquième étage, là, mais ça avait l'air des fenêtres avec des grandes barres de métal dedans. C'est ça, exactement. Dedans, bon, ben, ouais. Essayez de trouver un endroit comme ça. Avec, mettons, un cosplayer, ouais. Il y aurait quelque chose à faire de super intéressant. Absolument. Avec ça. Puis l'avantage majeur, c'est justement, c'est que t'es là. Fait qu'il n'y a pas l'espèce de... Ouais. Comment je peux dire, déconnexion qu'il va... Il y a toujours y avoir, ouais, avec un faux fond. Fait que ça que je trouve super intéressant, tu sais. C'est pas toujours facile à obtenir ou à faire, mais tu sais, je veux dire, même si votre épée est pas réelle que vous décidez de faire... Honnêtement, ça paraît mieux que si vous la rajoutez à l'ordinateur par après. Oui, t'sais. En effet. Puis, finalement, ça, encore une fois, c'est pas un secret pour rien, mais la dualité, des fois, ça crée la cohésion. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est, tu sais, penser à, mettons, comme on disait, le côté obscur, le côté... le light side. Le côté clair. Moi, j'aime pas bien gros en français, là, j'avoue que ça marche pas très bien, le light et le dark side. C3PO et R2D2, tu sais, quelqu'un de très grand, quelqu'un de très petit. Ça peut être frère et sœur, tu sais, des pères qui sont pas nécessairement une paire facile, tu sais, pas. Il y a un lien commun entre eux, mais c'est pas. Laurel et Hardy est un autre bon exemple. Oui, j'allais les nommer. Fait que, tu sais, ça peut être quelque chose aussi qui peut être intéressant à exploiter, tu sais, y en a beaucoup qui l'ont fait, là, mais je veux dire, c'est sûr qu'il y a toujours une façon que tu peux retourner ça, que tu peux faire quelque chose de le fun avec ça, tu sais. Ouais. Fait que bref, en tout cas, j'ai trouvé que c'est un article vraiment intéressant. C'est pas ce que je m'attendais, tu sais, au début, tu sais, bon, je vous l'ai dit, j'étais un gros fan, juste en voyant un article photo que le Star Wars, il m'avait, fait que juste cliquer dessus par curiosité, mais finalement, ben, sais-tu quoi, c'était pas mal bon. Parfait, ben merci d'avoir partagé ta découverte avec nous. Fait plaisir. On va passer au bloc suggestions. François, de ton côté, t'avais quoi comme suggestion? Les gars, ça fait 4 ans déjà que Fukushima a eu son accident nucléaire. Ah, je pensais que t'allais dire qu'on fait le podcast. Aussi. Alors. Ça n'a pas d'allure, pas déjà 4 ans. Ça se passe tellement vite. Moi, je revenais pas en lisant l'article. Je me suis dit, my God, 4 ans. Enfin, il y a un photographe qui s'appelle Arkadiusz Podniesiński, qui est un photographe polonais, qui s'est aventuré dans la zone d'exclusion où plus de 160 000 personnes ont dû être évacuées. OK. Ouais. Il est allé faire des photos, puis on se croirait vraiment dans la série The Walking Dead. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'il a dû avoir une évacuation assez rapide de l'endroit. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? La nature... Ils ont tout laissé. Oui, puis la nature prend ses droits. Hein. Mais c'est un peu comme à Tchernobyl. Là. Des endroits qui ont été abandonnés à la hâte, d'autres qui ont... On ressent la panique qui est arrivée vraiment rapidement. Comme dans cette photo qu'on voit un supermarché, tout est par terre. Là, c'est pas resté sur les tablettes, c'est tout par terre un peu partout. Il y a d'autres endroits où on voit des travailleurs qui remettent sur pied des habitations pour les rendre habitables à nouveau. J'aime bien celle-là, moi, une moto complètement envahie par la végétation. Là, on dirait que ça fait super ultra longtemps qu'elle est là. Elle se fait manger par la végétation complètement. C'est une belle incursion dans cet endroit-là. Moi, c'est le genre d'affaires que j'aimerais faire. Vraiment, là. C'est mon rêve. Me retrouver là puis me dire, OK, voici, tu mets ton saut anti-radiation, c'est safe, tu peux y aller, amuse-toi. N'importe quel endroit. Comme à Tchernobyl, d'ailleurs. J'aimerais beaucoup aller là aussi. Je pense que ça peut se faire. Avec les bonnes personnes, on peut payer pour y aller, avec un chaperon qui vérifie avec son compteur Geiger, là, pour être sûr qu'il y a un taux de radiation acceptable. Bon, c'est le genre de trip que j'aimerais faire, c'est ça. C'est du urbex à son meilleur. Moi, c'est n'importe quel endroit abandonné. J'aimais bien à Nouvelle-Orléans, le fameux parc d'attractions qui avait été abandonné. Mais je pense qu'il a été rasé depuis, là, mais les photos qui ont été prises là-dedans, là, moi, je trippais, là, je bavais, j'aurais juste... Je voulais aller là, là complètement. Ouais. Là, c'était... Ambiance lugubre. Oui, c'est lugubre parce que c'est l'atmosphère que tu y donnes. Parce que certaines des photos n'étaient pas si pires que ça. C'est vrai. Mais tu prends la photo, tu la mets en noir et blanc, puis ça, déjà en partant, le degré de lugubre vient de monter d'à peu près 10 juste avec ça. Là, c'est... Mm. Mais ouais, il faudrait qu'on se fasse une sortie d'urbex à un moment donné. Ça serait sympa. Oui, ouais, je suis d'accord. Ça serait le fun. Alors voilà, c'était ma suggestion de cette semaine. Merci. Christian, de ton côté... Petite suggestion de... On parlait de Maxime tantôt, justement. Ben oui. Suggestion de Maxime Soriol que je trouve super intéressante. C'est l'évolution des caméras, des appareils photo plutôt, expliquée en 11 portraits. On passe de nos vieux appareils photo là, qu'on connaît... Là, que, comment tu appelles ça? Donc, les pinholes, là, les trous d'épingle, mm-hmm. comme il y avait au tout début. On a le daguerreotype, celui-là en bois là, qu'on voit souvent dans des films le plus vieux. Et on continue comme ça, puis on voit des photos qui sont prises avec chacun des appareils photo. Ça nous donne un petit peu une idée de... J'ai-tu besoin de le mentionner? De l'évolution. Oui, l'évolution assez phénoménale qui a été faite depuis ce temps-là. Là. Mais c'est ça, c'est bien, c'est le fun. Il y a le Polaroid aussi, et bien entendu, là-dedans. Bien sûr, là, un classique. C'est un classique. Fait que, je sais pas, allez voir ça, c'est vraiment intéressant. La SLR, DSLR, etc. C'est bien, c'est le fun. Parfait. Un beau petit projet. Cool, merci. Puis moi, je vous parle d'une photographe aveugle qui voit le monde à travers son objectif, à travers son appareil photo. La photographe s'appelle Tammy Ruggles, qui est devenue aveugle subitement et qui a pu recouvrer la vue, en quelque sorte, grâce à son appareil photo. Parce que, en fait, elle est atteinte de rétinitis pigmentosa. Okay. C'est une maladie dégénérative qui la rend aveugle, finalement. Et puis, maintenant, elle est capable de discerner des formes floues et tout ça. Mais c'est en prenant des photos et grâce au contraste qu'elle peut obtenir de ces photos qu'elle peut voir le monde, qu'elle peut voir ce qu'elle a photographié. Puis c'est vraiment intéressant comme histoire. C'est pas très long ni à lire ni à regarder là, si on veut, si vous voulez aller voir le site. Mais je trouvais ça intéressant comme histoire parce que justement, je sais pas, ça m'est déjà passé par l'esprit. Je me disais, mais si jamais je perdais la vue, qu'est-ce que je ferais? Parce que j'aime tellement faire de la photo, mais pas juste ça, j'aime regarder des films et compagnie, ben là, je vois que, à la limite, tu sais, il y a quand même moyen de faire quelque chose selon la situation, on s'entend. Là, elle n'est pas complètement aveugle. Mm-hmm. Non, c'est ça. Tu sais, des fois, tu te fais un espèce de scénario catastrophique. Tu te dis, mais qu'est-ce que je ferais s'il m'arrivait tel truc? Ben, bon, je passe pas mes journées à faire ça, là. Non. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. Mm-hmm. Ouais. Mais, puis c'est ça. Fait que je trouvais l'histoire intéressante. Puis, un petit peu d'espoir, tu sais, c'est le fun, une fois de temps en temps. Fait que c'est ça, je vous invite à aller voir dans les notes d'épisode, vous allez trouver le lien. Et puis, au prochain épisode, parce que c'est déjà la fin, messieurs, 84 épisodes de terminés. Oui, prochain... ça aussi, ça passe vite. Ouais. Prochain épisode, je vais vous parler, moi, de ma visite à Las Vegas, au CES. Vegas, On va parler d'un paquet de trucs. Tiens, on parlait de Star Wars, je vais parler de la vie quotidienne de Darth Vader. Entre autres. Ah bon? Et puis, des trucs comme ça. Ça va être... Mais il est mort. Oups, ben... c'est un spoiler. Ça. Ah, divulgacheur! c'est ça. Merci beaucoup, François. Merci, Steph. Merci, Christian. Toujours un plaisir. Et merci, chers auditeurs. N'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires, vos questions ou vos suggestions à podcast@objectifnumérique.com. Vous pouvez nous rejoindre via Twitter @hautnumérique, sur Facebook et Google+, Objectif Numérique. Et d'ici le prochain épisode, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs!